Le président syrien Bachar al-Assad a fait parvenir le 4 mai un message de réponse au dirigeant suprême Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée. Dans son message, le destinataire a exprimé une profonde reconnaissance aux félicitations chaleureuses du destinataire pour sa réélection au poste de secrétaire régional du Parti Baas Socialiste Arabe. Il a souhaité le plus sincèrement santé et bonheur au dirigeant suprême coréen et plus grand progrès et développement au peuple coréen amical. Il a remercié vivement le Parti du Travail de Corée pour son soutien au Parti Baas Socialiste Arabe et surtout le camarade Kim Jong-un et la direction de la République Populaire Démocratique de Corée AMI pour leur intérêt accordé pour que la Syrie surmonte les actuelles difficultés ainsi que pour leur soutien à la position syrienne visant à régler l'actuelle crise de façon pacifique par voie de dialogue national afin de défendre l'intégrité territoriale et les intérêts du peuple et de rétablir la sécurité et la paix régionale.